valeur, j'y crois plus. L'âme sœur, j'y crois plus. Je rappe ma peine et l'amour, j'ai fait une croix dessus. J'ai appris tout seul à esquiver les pièges. Je galère mais je me démerde pour me trouver des pièces. Argent de poche, j'y crois plus. Console, j'y crois plus. Je rappe ma haine, la belle vie, j'ai fait une croix dessus. Je te répète, aucun grand frère n'a mis des tartes à ma place. J'ai craché, j'ai squatté et j'ai fait seul mes classes. Belle fille, j'y crois plus. Meuf sérieuse, j'y crois plus. La vie la vraie, moi, j'ai fait une croix dessus. Et j'ai pris plein de coups, mais les bleus m'endurcissent. J'ai maintenant le tempérament, parle-moi pas, je suis impulsif. Les vrais gosses, j'y crois plus. La conscience, j'y crois plus. Accepter une parole, ça fait longtemps que j'ai fait une croix dessus. Je me suis dépétri sans aide, des sables mouvants. J'ai mal mais je mens, voilà pourquoi je rappe souvent. Moi je crois plus à rien, le destin m'a trop fait souffrir. J'ai trop morflé pour vivre avec le sourire. Moi j'y ai cru, mais j'y crois, plus. Mec j'ai vite culbuté ma life, t'as vu. Moi je crois plus à rien, le destin m'a trop fait souffrir. J'ai trop morflé pour vivre avec le sourire. Moi j'y ai cru, mais j'y crois, plus. Mec j'ai vite culbuté ma life, t'as vu. APAKT APR. Et bon alliages, j'y crois plus, t'es voilà, j'y crois plus. J'rappe la Hagra, t'es les mercos, j'ai fait une croix dessus. Après toutes ces années, j'ai apprivoisé le respect. J'ai réussi à me frayer un chemin, malgré tout cet aspect. L'honneur, j'y crois plus, le bonheur, j'y crois plus. J'rappe la Zermi et la dépendance, j'ai fait une croix dessus. J'ai pas totalement mis mes pieds dans la délinquance. La loi a voulu me séduire, mais elle a manqué sa chance. La notoriété, j'y crois plus. Moi, mes rêves, j'y crois plus. J'rappe le mauvais et moi, le bon, j'ai fait une croix dessus. Ma réputation, j'ai construit tout seul. Je la dois qu'à mes potes qui m'ont jamais laissé tout seul. La conversation, j'y crois plus. L'émancipation, j'y crois plus. J'rappe par pulsion et mon instinct, j'ai fait une croix dessus. Ma vie est comme un instru à cappella. Elle a perdu son rythme, surtout depuis qu'elle n'est plus là. ADR. Moi je crois plus à rien, le destin m'a trop fait souffrir. J'ai trop morflé pour vivre avec le sourire. Moi j'y ai cru, mais j'y crois plus. Mec j'ai vite culbuté ma life, t'as vu. Moi je crois plus à rien, le destin m'a trop fait souffrir. J'ai trop morflé pour vivre avec le sourire. Moi j'y ai cru, mais j'y crois plus. Mec j'ai vite culbuté ma life, t'as vu. Moi je crois plus à rien, le destin m'a trop fait souffrir. J'ai trop morflé pour vivre avec le sourire. Moi j'y ai cru, mais j'y crois plus. Mec j'ai vite culbuté ma life, t'as vu. Moi je crois plus à rien, le destin m'a trop fait souffrir. J'ai trop morflé pour vivre avec le sourire. Pour vivre avec le sourire.